En deuxième place, Tonton David, sûr et certain. Maquillage, des bavures policières, falsification de l'histoire. Mais je suis sûr, sûr qu'on nous prend pour des cons. Mais j'en suis certain, quelque chose ne tombe pas rond. Car je suis sûr, sûr qu'on nous prend pour des cons. Mais j'en suis certain. Originaire d'une île, classé comme d'homme, assistance en calcul, mon œil de la métropole. Par si le club met par là des maisons. Calmer le peuple à coups de Rémi. Que personne ne s'affole, oh, que personne ne s'affole, hey, que personne ne s'affole, oh, que personne ne s'affole, hey. Car je suis sûr, sûr qu'on nous prend pour des cons. Mais j'en suis certain, quelque chose ne tombe pas rond. Car je suis sûr, sûr qu'on nous prend pour des cons. Mais j'en suis certain, quelque chose ne tombe. Je suis sûr, sûr qu'on nous prend pour des cons. Mais j'en suis certain, quelque chose ne tombe pas rond. Car je suis sûr, sûr qu'on nous prend pour des cons. Mais j'en suis certain. Oh, oh, oh, la douille. Il est temps de prendre un nouveau départ. La rouille. Mais je suis sûr qu'il y a arnaque quelque part. Car je suis sûr, sûr. Sûr qu'on nous prend pour des cons, mais j'en suis certain. J'ai grandi à Paris, pourtant mes racines m'importent. Africain en exil, peut-être que cela t'étonne. Pour tous les Kafkanakais, Guadeloupéens, toutes les îles, des Caraïbes et Pacifiques, que l'océan va garder les efforts. Et qui va gagner? Qui va gagner cette cerise sur le canton numéro 13? Eh bien, c'est tout simplement Kevendra par Zaz. Qu'importe là où je vais, tant que j'ai l'audace de tenir la main de l'autre. Pour aimer le temps qui passe, dans tout ce que je fais, la rage et l'amour s'embrassent. Qu'elle soit mienne ou qu'elle soit vôtre, la vie nous dépasse. Que vendrà, yo escribo mi camino, sin pensar, dónde acabará. Dans mes joies, dans mes peines, dans mes choix, dans mes larmes, je laisse aller mes sentiments. Au mieux on écrit son chemin comme on se soigne pour aimer indifféremment. Sous les sables mouvants d'un passé qui s'effondre, je me raccroche à ce que j'aime, prenant soin de chacun. longtemps, un peu plus tard. Laissez parler mon instinct me guérit. Puisque tout cela est bien trop court, j'aimerais jusqu'à mon dernier jour, jusqu'à mon dernier souffle de vie. Que vendra, que vendra? Jusqu'où j'irai, j'en sais rien. Si me pensar, si me pensar, sans penser à demain. Que vendra, que vendra? Escribo mi camino. Si me pierdo es que ya me he encontrado y sé que debo continuar. Pour participer au concours de pronostics ou de tiercé gagnant, il vous suffit d'aller sur notre page Facebook, La Cerise sur le Canton, et peut-être serez-vous la première ou le premier à donner le bon résultat dans l'ordre ou le désordre. En tout cas, un cadeau signé Dario attend le gagnant. Et puis maintenant, place à la programmation d'aujourd'hui. Allez, 1924, bientôt un siècle, hein. Jean Lenoir, contrarié par une altercation avec son ami Mistinguette, avait des insomnies cette nuit-là. Alors, il faut dire qu'il n'était pas facile, la Mistinguette, hein, un vrai caractère de chien. Dit. Alors, notre ami Jean Lenoir, il en profite pour écrire et composer « Parlez-moi d'amour », une chanson qui restera 5 ans dans ses cartons avant que Jean Lenoir la donne sans conviction à une chanteuse débutante venue le solliciter. La chanteuse débutante, l'interprète, et Lucienne Boyer, découvre la chanson et vient immédiatement la demander à Jean Lenoir. Pas facile non plus, hein, Lucienne Boyer. Succès considérable, traduite en 37 langues. En 1931, Lucienne Boyer se voit décerner le Grand Prix du disque par un jury composé de, écoutez bien, Colette, l'écrivain, Maurice Ravel, le compositeur, et l'autre compositeur, Maurice Yvain. Parlez-moi d'amour, interprété aujourd'hui par Nana Mouskouri.

Sabrina et 7 sur 7. Dans la cuisine, c'était rien que 12 mois sur la planète. L'URSS in excess. On chantait I want your sex. Il y a certains jours où je reprends mon skate et je vais faire un tour en 1987. 1975, le sida n'existe pas. En tout cas, on ne sait pas qu'il existe. Et c'est l'amour libre et sans contrainte, c'est la grande liberté des mœurs. Et la chanson suivante fait un peu scandale à l'époque, forcément, mais le succès, lui, est phénoménal. Pas besoin d'éducation sexuelle, je l'y bataille. Aujourd'hui, c'est la mode, on se croit au d'apprendre aux gens comment s'aimer. On veut leur faire croire que l'amour, c'est compliqué. Dans toutes les vitrines, on voit des magazines remplis de photos insensées qui donnent des tas d'explications pour mieux s'aimer entre filles et garçons. Pas besoin d'éducation sexuelle. Je t'ai rencontré, je sais que tu étais celui dont je rêvais la nuit. Tu m'as souri si tendrement en me voyant. Un premier rendez-vous, un baiser un peu fou avant de me raccompagner. J'aurais bien fait n'importe quoi pour te garder plus longtemps près de moi. En septembre 2018, Patrick Bruel sort le single « Tout recommencer ». C'est le premier extrait de son 8e album studio. Et « Tout recommencer » est coécrit avec Michael Furmont et produit par Vianney. « Tout recommencer », Patrick Bruel. À ma place, mais qu'est-ce que tu ferais que je ne ferais pas de surface en surface? J'en ai loupé des buts, mais j'ai marqué parfois, ça dépend, ça dépasse. Et puis ça disparaît, un peu comme toi et moi, de guerre lasse en guerre lasse. Quand est-ce que tu reviens? J'ai oublié, je crois. Oh, j'aimerais tout recommencer. Je me sens nu, même tout habillé. Les jours s'allongent et moi je disparais. À ta place, j'essaierai de comprendre pourquoi l'amour est là, de Caribe dans Scylla. J'ai perdu les syllabes et je m'ennuie de toi, il n'y a plus que l'espace. Entre toi et le monde, entre le monde et moi, j'ai troqué tous mes as. J'ai prié le bon Dieu pour qu'il ne m'oublie pas. J'aimerais tant tout recommencer. Je me sens seul, même accompagné. Dans mes souliers, parfois je disparais. Face à face, planté dans un décor que plus rien ne menace, où ça passe, où ça casse. On essaie de courir alors qu'il faudrait pas, on efface. Les voyages, les sourires, ce qu'on a fait de nous, un coup de poing dans la glace. On regrettera, je crois, on en est où, dis-moi. Oh, j'aimerais tout recommencer. Je me sens flou, même bien éclairé. Dans la lumière, parfois je disparais. Parfois je disparais. Oh, j'aimerais tout recommencer. Je me sens nu, même tout habillé. Tu te retournes et moi je disparais. Des paroles qui s'inspirent de la vie sentimentale de Miss Tinguette. Elle se plaint des absences de son Maurice Chevalier. Elle souffre de leurs disputes, de leurs séparations régulières. Mais qu'est-ce que vous voulez? Elle l'aime. Miss Tinguette fait face aux humiliations de son quotidien, tout en ayant cet homme dans la peau, mon homme Miss Tinguette. Sur cette terre, ma seule joie, mon seul bonheur, c'est mon homme. J'ai donné tout ce que j'ai, mon amour et tout mon cœur à mon homme. Et même la nuit, quand je rêve, c'est de lui, de mon homme. Ce n'est pas qu'il est beau, qu'il est riche ni costaud, mais je l'aime. C'est idiot, il me fout des coups, il me prend mes sous. Je suis à bout, mais malgré tout, que voulez-vous? Je l'ai tellement dans la peau, j'en suis marteau. Dès qu'il me touche, c'est fini, je suis à lui. Quand ses yeux sur moi se posent, ça me rend toute chose. Je l'ai tellement dans la peau, qu'au moindre mot, il me ferait faire n'importe quoi, je tuerais ma foi. Chant qu'il me ferait venir infâme, mais je ne suis qu'une femme.

la réalisation des albums, tout est fait maison dans le but de conserver une liberté artistique totale, tout le temps boulevard désert. T'es ma béquille, mon carglass qui répare. T'es mon attel, mon calmant, mon épars. T'es mon futur qui tuera mes ex. T'es ma stature, mon viagra, ma contrex. T'es mon bingo, mon keno, mon loto. T'es mon point G, mon point P, mon poteau. Ma vache qui rit quand je suis en pleurs. T'es mon kiri, mon petit cœur. Tout le temps, si le temps passe, je t'aime autant. Tout le temps, si le temps passe, je t'aime autant. Tout le temps, si le temps passe, je t'aime autant. Tout le temps, si le temps passe, je t'aime autant. Mon mercurochrome, tes mains stupides que nous qui sommes des hommes. T'es mon ensemble en parfum, douce odeur. T'es mon sapin sur mon rétroviseur. T'es mon écharpe, mon bonnet et mes gants. T'es mon palmier dans mon verre de russe blanc. T'es ma station essence quand je me perds. T'es mon week-end, ma première bière. Tout le temps, si le temps passe, je t'aime autant. Tout le temps, si le temps passe, je t'aime autant. Tout le temps si le temps passe, je t'aime autant. Tout le temps si le temps passe, je t'aime autant. Quand je chope des invites, t'es mon amante, mon ami, mon instit. T'es ma soupline, t'es mon huile essentielle. T'es ma tartine, ma confiture de miel. T'es ma Charlotte, le bon, t'es ma bourgoin. T'es ma chance pour de bon, t'es mon bon point. T'as le compte Instagram que je mate le plus. T'es mon son préféré quand on attend le bus. Tout le temps si le temps passe, je t'aime autant. Tout le temps si le temps passe, je t'aime autant. Tout le temps si le temps passe, je t'aime autant. Tout le temps si le temps passe, je t'aime autant. Si le temps passe, je t'aime autant. Si le temps passe, je t'aime autant. Danseuse et chorégraphe de talent, c'est au milieu des années 80 que Gesh Pathy se tourne vers la chanson. Le compositeur Vincent Brûlé lui propose alors la mélodie de Étienne. En moins de 3 heures, Gesh Pathy écrit des paroles pleines de sous-entendus à connotation sensuelle, pour ne pas dire, et disons-le, sexuelle. Alors la chanson sort en 1987, mais du fait de son caractère légèrement érotique, elle a du mal à passer sur les radios françaises. Bon, en ce qui concerne les radios allemandes et italiennes, elles n'ont pas les mêmes retenues, et la France succombera alors à la chanson de Étienne Gesh Pathy. Thank you.